para arrendamento. Aí vem a formação do Bayern de Munique. Pavlovic para Kane. Kane liberta à esquerda. Aciona Stanisic. Lá vem o lateral direito que tem jogado mais à esquerda. Com o Neymar, o médio defensivo, a jogar mais à direita. Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce rendez-vous de décrassage auditif. Croyez-moi, tous les ORL d'Orléans et du Loiret me disent merci. Il faut dire que, bon, ce soir aussi, comme d'habitude, il y a de quoi faire. Donc, 2 heures avec 4 nouveautés, bien sûr, et un petit survol de tous les styles et sous-genres donc qui composent notre style musical préféré. Enfin, vous connaissez l'émission, vous savez que on passe un petit peu du four au moulin, comme on dit familièrement. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Eh ben tiens, puisque Noël approche, on va aller faire un petit tour dans le Grand Nord, plus exactement en Finlande. Donc on se rapproche un petit peu du pays du Père Noël et on va retrouver donc les Finlandais de Satra et leur deuxième album In Tears of Rain pour un morceau, comment dirais-je, épique, un peu gothique, qui s'appelle Into the Ravenous Sea, introduit par une petite intro qui s'appelle tout simplement Prélude. Donc on commence, ouais, assez soft. to the Ravenous Sea et sa petite intro prélude, donc tous deux extraits du deuxième album des Finlandais de Satra, In Tears of the Rain. Voilà donc pour commencer l'émission, ouais, assez tranquille. Je vous avais promis donc quatre nouveautés de la soirée, ben, va se faire la première avec un groupe de légende qui s'est fait quand même quelque peu oublier ces dernières années en France et en Europe. C'est Def Leppard. Def Leppard qui ben, pourtant nous rendait visite assez couramment jusqu'au milieu des années 90 et avait beaucoup de succès. Puis depuis 96, on va, ouais, bientôt 30 ans, on va dire que leurs venues ont été quand même plutôt très courtes puisque... On pensait qu'en 2013, leur triomphe au Hellfest allait faire que, bah, ils allaient décider de continuer à faire une petite tournée européenne. Non, il n'en a rien été. Il a fallu attendre encore 10 ans pour les revoir toujours au Hellfest pour qu'ils reviennent jouer, mais en festival. Mais là, ça y est, cet été, ils seront de retour à Paris, dans la capitale, à Bercy, pardon, l'Accor Arena. Pour un concert qui promet d'être quand même très très chaud. Eh bien, Def Leppard, là, ils viennent de nous sortir un petit live de Derrière les Fagots, enregistré donc chez eux à Sheffield, donc à domicile, dans une foule conquise. Pendant leur dernière tournée de l'album Diamond Star Halos, qui était sorti donc en 2022, et ma foi, qui est pas mal du tout, qui est même très intéressant. Et donc, si vous vous souvenez, l'année dernière, vous avez passé un petit live enregistré également à Sheffield, quelques jours avant ce concert de Sheffield, par contre d'un petit club, live at the Leadmill, où le groupe en avait profité pour jouer quelques morceaux plutôt rares ou autres. Là, pour ce live, là, c'était, bon, on va dire... Def Leppard n'a pas pris beaucoup de risques, ça c'est le seul reproche qu'on pourrait faire. On a évidemment beaucoup de classiques extraits d'Hysteria et de Pyromania, bien sûr. Que 3 titres du dernier album, bon, on aurait mis un peu plus quand même. Par contre, point de vue efficacité, c'est vraiment une machine de guerre bien huilée, ça joue à la perfection, les chœurs sont parfaits, le son est nickel. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de regarder, je n'ai pas la version DVD, Blu-ray, tout ceci, je n'ai que le penchant audio. Mais enfin, quand on voit déjà le livret intérieur, on se dit que waouh, le spectacle doit être là. Enfin, toujours est-il qu'au niveau expérience sonore, bah, Def Leppard, c'est quelque chose, ça, c'était quelque chose, et ça reste encore quelque chose. Eh bien, on va se faire donc deux petits extraits de ce live qui s'appelle Diamond Star Heroes Live from Sheffield. Bon, je pense que ce sera la setlist que les fans verront à Paris au mois de juillet. D'abord, Take What You Want, qui lui est extrait du dernier album studio sorti à ce moment-là. Et moi, je reprends mon souffle. le fait, hein, ce petit live de Def Leppard. Hein. Let's get right et take what you want. Donc, deux extraits du dernier live, tout chaud, tout bouillant, sorti il y a quelques semaines. Diamond Star Heroes, live from Sheffield. Donc, enregistré chez eux à Sheffield le 22 mai 2023. Et je pense que c'est un petit aperçu de ce, du concert qu'ils donneront à Bercy, pardon, l'Accor Arena Hotel, au mois de juillet prochain. Eh bien, ce qui suit, c'est une légende aussi du métal français qui a eu une carrière un peu plus mouvementée. Eh bien, eux aussi doivent beaucoup à Def Leppard. C'est bien sûr de Sortilège, je ne vais pas vous refaire l'histoire du groupe, qui est revenu là avec un excellent album qui s'appelle Le Poids de l'âme. Sortilège, rappelez-vous, qui à l'époque n'avait sorti qu'une démo en 83 et qui avait eu la chance donc d'ouvrir pour Def Leppard qui était en pleine éclosion. À l'époque, Def Leppard donc jouait au Bataclan deux soirs de suite et du fait des très très bonnes critiques de leur la prestation de Sortilège avait fait que ça les avait pas mal aidés aussi après pour trouver un petit contrat et sortir leur premier EP. Après tout le reste, c'est de l'histoire. Eh bien, on va revenir à leur excellent album Le Poids de l'âme, qui est vraiment le digne successeur d'Apocalypso, sorti il y a ça, oui, maintenant 2 ans. D'ailleurs, album qui était très attendu au tournant. Il faut dire qu'ils n'avaient rien sorti depuis 1986. Et qui ont réussi à faire un bel exploit, c'est-à-dire un son entre le heavy metal des années 80 tout en étant très actuel, donc un joli tour de force, donc qu'ils ont réédité sur Le Poids de l'âme. Et bien pour ce soir, on va se faire un morceau qui s'appelle Colère, tout simplement. Before the End of Everything, extrait du dernier album de Cobb, When the Axis Fall, à l'instant. Juste avant Cobb, Sortilège, et lui, extrait de son nouvel album Le Poids de l'âme, c'était le morceau Colère et Sortilège, si vous vous rappelez. Au printemps 2024, on avait eu la chance de les avoir au Creekfest à Cléry-Saint-André pour un concert vraiment mémorable. Et bah tiens, puisqu'on parle du Creekfest et de Chris, eh bien l'ami Chris et son groupe Prisma, eh ben ils seront en concert vendredi soir au Demon Bar à Outerville, où je pense qu'ils nous présenteront certainement des nouveaux morceaux de leur futur album qui devrait sortir en 2026. En attendant, on va se contenter de se passer un extrait de leur album sorti en 2023, Way of Life, et on va se passer le morceau qui ouvre l'album, c'est-à-dire Tell Me Why. I want Rock Generation, bah, extrait de l'album du même nom. Ça, c'était les vétérans britanniques de Heavy Petin. Juste avant, donc, Prisma, groupe bien de chez nous, puisqu'ils sont du coin, de Clarisse-Saint-André, exactement, avec Tell Me Why, extrait donc de Way of Life, leur dernier album sorti en 2023, et Prisma, donc, qui sera en concert vendredi soir au Demon Bar à Outerville, avec un autre groupe qui s'appelle Cougar Toy Boy, voilà. Tiens, d'ailleurs, ce week-end, ça va être vraiment très métal au Demon Bar, puisque bon, vendredi, vous avez Prisma et dans tout un autre genre. Ce week-end, pour trois concerts, pas un, mais deux, mais trois concerts exclusifs, vous avez l'Outblast. Et oui, l'Outblast donc va venir jouer donc dans ce lieu assez exigu, mais vraiment sympa, qu'est le Demon Bar. Donc pour trois concerts, à mon avis, complètement différents. Donc si vous avez envie de voir l'Outblast vraiment dans une configuration telle que bah, si jouait dans votre salon, c'est faut y aller, à moins que déjà ça soit déjà complet, ce qui ne serait pas étonnant d'ailleurs. Alors bah tiens, pour se mettre un petit peu dans cette ambiance de folie, on va se passer un petit extrait de leur CD DVD Loud, Live and Heavy qui était sorti en 2009 et qui regroupait donc des extraits de un concert enregistré à Calais, donc pas loin de chez eux, en novembre 2005. Et on va se faire un de leurs classiques extraits de Fragments. C'est Flesh. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont jouer pendant ces trois concerts, mais ça, je pense que ce morceau fera partie de la setlist. We'll be right back.

classique de Loud Blast, Cross the Threshold, enregistré au Hellfest en 2010. Et ça, on pouvait trouver ça sur le CD de Rockhard 213 qui était sorti en octobre 2020. Ça, c'était une petite exclue. Voilà pour ce soir. Et autre classique de Loud Blast, Flesh. Lui extrait donc du Loud Live and Heavy, sorti CD-DVD en 2009, et c'était extrait donc d'un concert enregistré à Tours, à Calais, en 2005. Et donc Loud Blast, je vous le répète, donc il sera en concert ce week-end, samedi pour deux concerts exclusifs, ainsi que dimanche, en début d'après-midi, à Outarville, au, à ce haut lieu de, du métal qu'est le Demon Bar. Voilà pour les amateurs de musclé. Il est déjà 19h52 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, le temps passe très vite quand on a de la bonne musique et de la bonne compagnie. Electric Shock, je vous rappelle, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Va se faire la deuxième nouveauté de la soirée avec le groupe Mirador. Alors Mirador, c'est qui, c'est quoi? Alors Mirador, c'est un groupe britannico-américain ou américano-britannique, je sais pas comment on peut dire ça, qui est composé de Jack Kiska, de Greta Van Fleet et de Chris Turpin de Ida May. Ils ont profité d'un moment de que leurs deux groupes étaient certainement en pause pour se faire de la musique ensemble. Et toujours est-il que on n'est pas très loin de ce que fait Greta Van Fleet, hein, c'est-à-dire du hard rock très 70s, très inspiré, pour ne pas dire plus, de Led Zeppelin. On se rend compte que Jack Kiska, il a une voix, une très belle voix aussi, hein, un peu moins au perché que celle de son frère. Mais on reste quand même, je vous le dis, un peu trop à mon goût quand même, dans le copier-coller Led Zeppelin. Par contre, c'est très bien fait, c'est très bien produit, ça se laisse écouter sans problème. Si vous adorez le hard rock des années 70s et que vous n'êtes pas trop regardant sur l'originalité, vous allez adorer. Sinon, vous êtes peut-être comme moi, vous êtes tiqué un petit peu. Déjà, Greta Van Fleet, voilà, et Mirador, voilà, on reste un peu dans le même esprit. Mais bon, ça reste quand même du très très bon. Extrait de cet album éponyme, on va se faire le morceau qui était le premier single, c'est-à-dire Feels Like Gold. Non, ce n'est pas un morceau oublié de Led Zeppelin, une chute de studio, loin de là. C'était Greta Van Fleet avec un petit extrait de Starcatcher, leur dernier album sorti en 2023, The Falling Sky. Et puis, juste avant, on était resté en famille avec la deuxième nouveauté de la soirée, c'est-à-dire Mirador, le groupe composé de Jake Kiska, le guitariste de Greta Van Fleet, avec son pote de Chris Turpin de Idame. Donc, extrait de leur album éponyme, c'était donc Feels Like Gold. Tout ça dans un esprit bien 70s. Lui aussi, est-ce qu'il suit? Il a bien connu les 70s. Et puis maintenant, pour lui, il va être temps de tirer sa révérence et de jouir d'une retraite bien méritée. C'est Sammy Hagar qui maintenant prend sa retraite et avant a voulu nous offrir un dernier live récapitulatif de toute sa carrière, enregistré donc au printemps dernier pendant une petite résidence à Las Vegas, d'où son titre de ce live The Residency. Et Sammy Hagar était accompagné quand même d'une équipe de tueurs, quand même, excusez du peu, puisqu'on avait avec lui Joe Satriani à la guitare, son ancien compère de Van Halen, Michael Anthony à la basse et au chœur, ainsi que Kenny Aronoff à la batterie. Comme voyez-moi, tout ça, c'est du lourd. Et bien donc, petit récapitulatif donc de toute sa carrière, aussi bien de Van Halen, de Montrose et aussi de pas mal de tubes en solo, tel par exemple ce morceau qui a d'ailleurs donné qui donne aussi le titre d'un film très connu qu'on a appelé plus connu en France chez nous sous le nom de Metal Hurlant. Et puis c'est un terme qu'on emploie tout le temps puisque c'est Heavy Metal, Sammy Hagar and the Best of All Worlds Band, tout de suite maintenant dans Electric Shock. We'll be right back. Deux grands classiques de Sammy Hagar, Can Drive 55 et Heavy Metal, donc tous deux extraits du live testament The Residency. Ben, bonne retraite Sammy, profites-en bien. On va se faire maintenant la troisième nouveauté de la soirée. Je vais vous emmener faire un petit tour du côté de Grenoble. Je vais vous demander comment vous l'aimez, votre Elixir. Oui, Elixir, c'est le nom du groupe seulement. Elixir, si vous tapez Elixir sur Rock Band ou autre, vous allez en avoir de toutes les couleurs, avec de toutes les écritures. Alors celui-ci s'écrit avec un H, deux L et deux X. Et donc, ils nous viennent de Grenoble, comme je vous le disais. Ils existent depuis 2001. Ils ont déjà sorti trois albums. Celui-ci est leur quatrième, qui s'appelle Beyond the Frame. Et musicalement, on est d'un mélange de thrash, de death metal, avec des vocaux parfois pas loin du black metal. Donc, comme vous pouvez le constater, du costaud. Eh bien, on va découvrir ce quatrième album avec un petit extrait qui s'appelle The Sun Will No Longer Rise, et une petite intro qui s'appelle donc Genesis, pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Troisième nouveauté de la soirée pour Electric Shock. Electric Shock, c'est qui, c'est quoi? Ben c'est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et c'est qui vous grille le cerveau? Ben on s'en est bien grillé quelques-uns des petits neurones avec cette belle petite doublette. Etsid, les Italiens, leur premier album Rising Through Decay, Senseless Atrocity. Et les Grenoblois de Elixir avec leur nouvel album Beyond the Frame. On a eu The Sun Will No Longer Rise et sa petite intro Genesis. Et c'était également la troisième nouveauté de la soirée. On va changer complètement de style puisqu'on va revenir à l'album live de Slash at the Serpent Festival qu'on peut trouver en CD, DVD, Blu-ray, vinyle, enfin j'en passe et des meilleurs, qui est un petit peu la retranscription de son dernier album sorti l'année dernière, c'est-à-dire que des morceaux de blues, où sur cet album il s'était accoquiné quand même avec du beau monde puisqu'on y trouvait Chris Robinson des Black Crowes, Billy Gibbons de ZZ Top, Paul Rogers, Iggy Pop, Brian Johnson et j'en passe et des meilleurs. Et en live, bah sur ce live, il y a une superbe reprise de Papa Was a Rolling Stone, qui à l'origine donc était un morceau de la Motown, repris entre autres par les Temptations ou autres. Et l'ami Slash a gardé quand même cet esprit un peu funk, soul, R&B, mais attention, soul, R&B, genre 70s, tout en gardant le côté blues. Sur la version originale de l'album, il était comme accompagné de Demi Lovato, mais là non, pas du tout, c'est avec son groupe tout simplement qu'il nous fait cette version décapante de Papa Was a Rolling Stone. Donc Slash, et ça c'est pour vous tout de suite maintenant. Rolling Stone, yeah. Where

très funky, très bluesy, cette super reprise de Papa Was a Rolling Stone, où Slash est vraiment à l'aise comme un poisson dans l'eau. Extrait donc du CD, DVD, Blu-ray, tout ce qu'on veut, live at the Serpent Festival, sorti récemment et enregistré à Denver l'année dernière. Eh bien, on va se faire une dernière nouveauté pour ça. On va aller faire un petit tour du côté de Toulouse. Découvrir ou redécouvrir, ben, c'est pas ce qu'on peut appeler un petit nouveau venu, puisque le groupe existe depuis 1998, malgré qu'ils aient splitté et qu'ils sont revenus en 2021. C'est le groupe Furia, avec un Y. Groupe de métal épique à chant féminin, très, qui nous a sorti un nouvel album qui s'appelle Eternal Fight. Alors, album bien réussi, bien fait, bien produit, bien joué. Pas très original, ça, c'est peut-être le seul défaut qui est là. Mais par contre, ça se laisse quand même bien écouter, sans déplaisir, bien au contraire, et on y revient même sans problème. C'est quand même le principal. Allez, un petit extrait de cet album qui s'appelle Into the Shadows. We'll be right back. Si vous êtes des fidèles habitués de l'émission, bah ça vous devez commencer à les connaître, le groupe belgo-mexicain ou mexicano-belge, je sais pas comment on dit, Midnight Mares, et leur deuxième album Mortalis, c'était Ziggurat. Par contre, tout nouveau, tout beau, tout chaud, puisque c'était une nouveauté venue de Toulouse, et c'est la dernière de la soirée, le groupe Furia et son album Eternal Fight, et on a eu Into the Shadows. Eh bien tiens, on va revenir à l'album Tribute de Kill 'Em All, le premier album de Metallica. Tribute un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude, puisqu'habituellement c'est plutôt des jeunes groupes qui rendent hommage à leurs idoles. Là non, c'est plutôt les groupes qui ont inspiré Metallica qui rendent hommage à la légende américaine. Par exemple, on sait que les gars de Metallica sont des grands fans de Saxon, et Saxon, justement, sur ce tribute, a repris vraiment de façon de mettre le Phantom Lord. Je pense qu'il n'aurait pas dépareillé, justement, sur un des derniers albums de la légende britannique. Phantom Lord, Saxon qui reprend Phantom Lord de Metallica, vous vous demandez à quoi ça peut ressembler? Eh bien, il va ressembler à ça. Ah, s'il veut bien partir, bien sûr. Eh oui, premier accro de la soirée, on n'avait pas eu de problème jusqu'à présent, comme quoi c'est toujours en live Electric Shock avec ses soucis, ses hauts et ses bas. C'est du live, c'est ça la radio. Voilà, donc c'est parti, Phantom Lord par Saxon. petit extrait de l'excellent dernier album de Testament, Parabellum. C'était Nature of the Beast. Testament d'ailleurs qu'on retrouve sur le tribute de Metallica, Skill 'Em All, pour une reprise décapante du Seek and Destroy. Voilà, bon, ça ce sera peut-être pour une prochaine fois. Par contre, sur le tribute, juste avant, c'était donc de Metallica, No Life Till Lasers. C'était Phantom Lord pour une reprise vraiment excellente, à tel point que Saxon se l'est vraiment réapproprié. Il aurait pu figurer sur un de ses albums. Eh bien, il nous reste juste le temps de se faire un dernier morceau avant de se dire au revoir et de passer la place aux amis Nightclubbers et Christophe. On va revenir donc à l'album de Face in Agony, groupe de l'ancienne chanteuse de Nightmare. Et leur album Inside. Et on va terminer l'émission avec le morceau Worms. I'm Worms de Face in Agony. Voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et des nouvelles découvertes, bien évidemment. Mais par contre, restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel car la musique continue. Les amis Nightclubbers vont pouvoir se régaler puisque Electro Live va commencer. Alors, je ne sais pas ce que l'ami Christophe nous a concocté pour ce soir. On va voir ça tout de suite avec lui. Salut! Salut, bonsoir à toutes et à tous. C'est quoi le programme d'Electro Live ce soir? On va attaquer dans le dur direct avec de la Tech House. J'ai fait une playlist de à peu près 200 titres Tech House. Je vais piocher dedans. Ouais. Eh bien, amis Nightclubbers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est de rester branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Moi, yes. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut à tous.